Radio Banco. C'est la grâce matinale de Radio Banco avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline. Bonjour à tous, bon con, bonne conne et autres personnes, bienvenue dans la matinale des bons cons. Alors cette émission est très chargée, je vous le dis. Alors je dis ça mais je connais pas encore le programme parce qu'on m'a pas encore tout envoyé, donc ce sera la surprise au fur et à mesure de l'émission. La grande nouvelle de la semaine, c'est que hier, Édouard Philippe a annoncé que le confinement durerait au moins jusqu'au 15 avril. Alors à la base, la radio des bons cons, je l'ai créée pour qu'elle dure juste 2 semaines, que ce soit un peu éphémère. Donc on verra si on la continue ou pas. Je propose de faire un vote sur Instagram, sur l'Instagram de la radio des bons cons. En attendant, on a la chance d'avoir une allocution officielle sur la radio des bons cons. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Ça commence tout de suite. Bonne écoute. Françaises, Français. Mes chers concitoyens. Poudre de perlimpinpin. Ces dernières semaines, j'ai appris l'existence de la radio des bons cons, du génie créatif dont vous avez fait preuve. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros, vous, qui n'avez d'autres préoccupations que notre bien-être, notre vie tout simplement. Je vous ai écouté, mes chers compatriotes, et je veux vous le dire d'emblée. Je vous remercie et je compte sur vous. C'est pourquoi je veux décréter aujourd'hui, dès ce soir, dès après mon allocution. Vous allez devenir la première radio nationale, pilier de la République. Avant de conclure, je voudrais prendre encore quelques instants. Une minute. Je veux vous le dire ce soir. J'aime bien la viande. Et je vous aime. Je vous aime farouchement, mes amis. Parce que vous le savez comme moi, l'amour... C'est notre projet ! Vive la bonne République. Vive la bonne France. Ouais, vous êtes toujours sur la radio des bons cons, c'est la grâce matinale, vous êtes avec Ophélie, on est ensemble jusqu'à je sais pas quelle heure, parce qu'en fait je sais pas, parce que j'ai pas encore le programme, parce que en fait on m'a pas vraiment envoyé ce que je devais diffuser, donc c'est encore incertain pour l'instant pour moi, au moment où je vous parle, parce qu'en fait c'est une matinale enregistrée, parce que moi aussi j'avais envie de faire une grâce matinale, et j'avais pas envie de faire un direct, parce qu'en fait les directs c'est un petit peu stressant. Du coup je vous propose d'écouter votre horoscope avec Chloé, en fait ils ont préparé un horoscope, du coup je sais pas trop si ça va être bien, mais j'espère que ça va être bien, parce qu'en fait c'est eux qui l'ont préparé. Bonjour, ici Chloé pour un nouvel horoscope. Bélier, certaines personnes vont essayer de vous faire sortir de vos gonds. Deux solutions s'offrent à vous, l'octogone ou faire des puzzles. Taureau, vous vivez votre meilleure vie pendant ce confinement. Continuez de chiller, dormir, manger dans le confort de votre maison. De toute façon, c'est ce que vous savez faire de mieux. Gémeaux, arrêtez de traîner sur internet et de lire des théories fumeuses. Vous n'aidez personne et surtout pas vous-même. Cancer. Comme les taureaux, vous vivez votre meilleure vie de confinement, mais surtout vous n'avez pas à être sociable et ça, vous kiffez. Lion. Arrêtez de faire 1000 stories sur Instagram parce que votre vie sociale vous manque. C'est bon, on vous a vu. Détendez-vous. Vierge. Vous vous révélez pendant ce confinement. Hyperactif et dynamique, c'est limite si vous n'êtes pas plus occupé que d'habitude. Notre conseil, créez une web radio. Balance. Balance ton quoi ? Scorpion. Vous postez des mèmes passifs-agressifs sur l'irresponsabilité des gens, vous cherchez des infos sur Doctissimo, vous entamez une crise d'hypocondrie. Sagittaire, vous avez du mal à comprendre le concept de « ne pas sortir ». Notre conseil, en avril, si tu fais l'imbécile, en mai, tu resteras enfermé. Capricorne, votre corps fait barrage à la détente. Vous remettez toute votre vie en question. Vous voulez quitter votre taf toutes les 10 minutes pour monter une ferme pédagogique. Notre conseil, prenez une camomille et calmez-vous, putain. Verseau, ce confinement fait ressortir le militant en vous. Vous lancez des pétitions contre le gouvernement et contre tous les sujets. Hein. Vous envisagez même de montrer votre propre parti politique. Poisson, gros retour à la nature pour les poissons. Vous vivez dans un monde de bisounours où la nature vous parle. Vous buvez des tisanes tout en faisant de l'art avec à peu près tout et n'importe quoi. On se retrouve prochainement pour un nouvel horoscope. Pour la santé de tous, restez confinés. Mais ne restez pas tout seul avec Radio Boncon. Vous êtes toujours sur la radio des Boncons, c'est la grâce matinale et vous êtes avec Ophélie. On va tout de suite écouter une chanson qui s'appelle From Disco to Disco, qui est interprétée par le groupe Whirlpool Productions. Alors ce sont des Allemands et cette chanson est sortie en 1996 et elle a été number one pendant 7 semaines d'affilée en 1997 en Italie. Et vous allez vous en doutez, hein, si vous la connaissez déjà, elle est déjà sur la playlist de la radio des Boncons. Ils ont enregistré ce titre en rentrant de soirée complètement pété chez eux et hop, ils l'ont enregistré comme ça et ils se sont vraiment trop marrés et du coup je trouve que cette musique est extrêmement communicative. C'est From Disco to Disco de Whirlpool Productions. go town across town. Everybody is trying to get down to the from disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From disco. It's on. Alors aujourd'hui, samedi 28 mars 2020, c'est l'anniversaire d'une artiste qu'on aime beaucoup par chez nous. Enfin, moi je l'aime beaucoup, je pense qu'on est beaucoup à partager cet amour pour elle. Son nom est Stéphanie Joanne Angelina Germanotta. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais vous la connaissez sûrement sous le nom de Lady Gaga ou Leda Gagi ou encore Lady Hag-Hag. La chanteuse fête aujourd'hui ses 33 ans et on lui souhaite un très bon anniversaire. J'ai souhaité, si vous me le permettez bien sûr, lui rendre un petit hommage en musique. J'ai repris son fameux titre « Shallow » qu'elle interprète avec l'acteur Bradley Cooper. Moi j'ai interprété ce titre du coup avec moi-même. J'y ai mis toute mon humilité et j'espère que ça vous plaira. Et si ça ne vous plaît pas, restez quand même parce que la matinale n'est pas terminée. Ce n'est que 3 minutes de chanson et on se retrouve juste après. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I found myself longing for change. And in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired, try to fill that void? Or do you need more? Anyhow, keeping it so hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I feel myself I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never be so quiet. Crush through the surface where they can hurt us. We fall from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. We fall from the shallow now. Oh, oh, oh, oh. Watch as I dive in, I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. Radio Bangkok. Radio Bangkok. Radio Bangkok. Radio Bangkok, une radio avec de la bonne connerie. Alors, pour très très très vite oublier ce que vous venez d'entendre, je vous propose d'écouter la chronique de Madame Mona. Bonjour et bienvenue dans cette chronique de la grasse matinale. Chronique qu'on appellera chronique nature, parce que ça fait du bien de prendre un peu l'air, ne serait-ce que par le truchement de vos oreilles, et parce que j'ai chez moi un livre pas piqué des hannetons, qui s'appelle Atlas de botanique poétique, écrit et dessiné par Francis. Allez ! C'est son nom de famille. H-A-2-L-E accent aigu. Allez ! Et du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques-unes des curiosités qu'il contient. On va commencer avec l'aquarium suspendu, par exemple. Surnom qui désigne la Guzmania lingulata. Guzmania pour les intimes. C'est une plante épiphyte, ce qui signifie qu'elle vit sur d'autres plantes, mais qu'elle n'est pas un parasite, car elle trouve ses ressources elle-même. Une plante épiphyte, donc, que l'on trouve dans la forêt tropicale américaine, et plus précisément dans les cimes de tous les grands arbres. C'est le vent qui porte les graines minuscules, de la taille d'un grain de poussière. Cette plante ressemble à un gros bol étanche rempli d'eau de pluie, formé par des feuilles dressées et serrées les unes contre les autres, et pouvant contenir jusqu'à 20 litres d'eau. Et ce qui est ouf dans tout ça, c'est qu'à l'intérieur de cette bolinette naturelle, on trouve tout un écosystème qui barbote, à savoir une plante carnivore aquatique, des grenouilles, des mollusques, des crevettes, des larves, et même une sorte de crabe que l'on ne trouve que dans cette plante. C'est comme un petit trou d'eau de la plage de Saint-Michel-Chef-Chef, mais dans une plante qui pousse dans les cimes d'une forêt tropicale. Et même à l'extérieur de cet aquarium suspendu, à la base de la Guzmania, les feuilles mortes retiennent du terreau où on trouve d'autres bestioles de type scorpion, mille pattes, blattes, termites et même une sorte de serpent aveugle. On a de la chance que cette plante soit là. La deuxième plante dont je voulais vous parler, c'est l'arbre qui marche. Cette expression, ça fait référence au palétuvier, un des arbres qui composent les mangroves, a.k.a. les forêts tropicales qui ont les pieds dans l'eau de mer, là. Donc, dans ces mangroves, on trouve deux types de palétuviers, ceux qui proviennent d'une graine germée qui montent du sol à la verticale et qui ne bougent pas, et les autres, ceux qui nous intéressent, car ce sont eux qui marchent. Ceux-là ont un tronc qui se termine à l'horizontale vers le bas, car ils proviennent en fait d'une branche basse d'un autre palétuvier. Pour bien comprendre, il faut que je vous décrive la croissance de cet arbre. La graine germe, le jeune arbre pousse, et ses racines échasses apparaissent pour lui permettre de respirer au-dessus de l'eau salée dans laquelle il baigne. C'est un peu un arbre sur pilotis. Au fur et à mesure qu'il pousse, de plus en plus de racines échasses descendent de ses branches, si bien que parfois, les branches se brisent et se détachent de l'arbre, car elles sont plus alimentées par leurs racines échasses que par le tronc principal. En gros, elles prennent leur indépendance. Bingo l'indépendance ! Et donc, pour en revenir à cette histoire d'arbre qui marche, des photos aériennes prises à un an d'intervalle montrent que ces branches émancipées se déplacent de 4 à 5 mètres par an vers la mer et s'arrêtent quand leurs racines n'ont plus pied. Mais en réalité, elles ne se déplacent pas. Elles se contentent seulement de pousser comme toute bonne plante qui se respecte. C'est juste que comme elles poussent à l'horizontale d'un côté, tandis qu'elles se nécrosent et disparaissent de l'autre côté, ça donne l'impression qu'elle marche. Une astuce. Et puis, troisième et dernière plante dont je vais vous parler aujourd'hui, l'arbre fontaine. L'arbre fontaine, ça désigne plus un phénomène qu'une espèce d'arbre. Mais on va commencer en donnant l'exemple du garroé, un arbre qu'on trouve sur la petite île d'El Hierro, dans l'archipel des Canaries. C'est une île sur laquelle il ne pleut presque jamais. Cependant, une mer de nuages coiffe ses hautes terres plus de 200 jours par an. Et c'est là qu'intervient le garroé. Lorsque l'air est humide, des nuages passent dans ses feuilles. Ça fait de la condensation et des gouttes de pluie tombent au sol comme s'il pleuvait sous l'arbre. L'eau est là. Les populations qui habitaient l'île avaient installé un système de collecte d'eau sous l'arbre, ce qui leur permettait de pratiquer l'agriculture malgré une faible pluviométrie. Ils vouaient un véritable culte à cet arbre qui captait l'eau des brumes. De l'eau. De l'eau. On retrouve ce phénomène chez d'autres espèces d'arbres, comme le laurier, les genévriers, les pins ou encore les oliviers par exemple, et bien d'autres encore. Et on retrouve ça aussi dans d'autres pays, car en fait c'est la localisation des arbres qui rend possible la capture de l'eau. En fait il faut juste qu'ils soient plantés sur des cols vers lesquels les alizés poussent ces brouillards maritimes. Depuis quelques années, les humains reproduisent ces attrape-brouillards artificiellement, en mettant en place des filets tendus sur des structures en acier, par exemple. Et ça permet quand même d'atteindre une production moyenne de 30 litres d'eau par jour et par mètre carré de filet. Et franchement, voilà. Donc j'ai terminé cette chronique nature. J'espère que vous avez su vous délecter de ces amusantes anecdotes autant que moi. Oh, c'est rigolo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Joyeux week-end de bons gros cons. Radio Boncon. C'est un vrai plaisir d'écouter la Radio Boncon. Radio Boncon. Radio Boncon. Merci beaucoup Madame Mona. On a un fidèle auditeur qui nous a laissé un message sur notre messagerie vocale. Il voulait diffuser un titre et du coup je vous propose d'écouter son petit message et puis ensuite on écoutera la chanson qu'il a sélectionnée. Bonne écoute. Salut, c'est Alain sur la radio des Boncons. Nous allons tout de suite écouter Iron Maiden, The Trooper. Smoking horses' breath. C'était The Trooper de Iron Maiden sur la radio des beaux cons et des bons vieux cons. Merci beaucoup Alain. Alors si vous êtes des fidèles auditeurs de la radio des bons cons, vous avez sûrement en ce moment même les cheveux extrêmement gras car vous faites une cure de sébum. Alors si vous faites cette cure de sébum, c'est que vous avez sûrement entendu la chronique beauté de Madame Louison. Et donc ce matin, nous avons une nouvelle chronique beauté qui est cette fois-ci encore sur le cheveu. Le Beaucon, la chronique beauté de Radio Beaucon. En confinement, retrouvons ensemble le temps de prendre soin de nous. La chronique beauté de Radio Beaucon. Finalement, est-ce qu'on va pas tous passer le reste de notre vie avec nous-mêmes ? Salut, c'est Louison sur la radio des Beaucons et vous êtes avec moi pour la chronique du Beaucon. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble un petit point cheveux. Je vais essayer de vous donner tous les conseils que j'ai en stock pour prendre soin de ses cheveux. Alors d'abord, il y a les différents types de cheveux. Pour savoir votre nature de cheveux, il y a les cheveux lisses, les cheveux ondulés ou bouclés, les cheveux frisés et les cheveux crépus. Et à ça vient s'ajouter une autre caractéristique qui est l'épaisseur de votre cheveu, donc le cheveu épais évidemment, les cheveux fins et les cheveux normaux. Si vous ne connaissez pas votre nature de cheveux, il ne faut pas hésiter à demander à son coiffeur. Sinon, vous n'avez qu'à m'envoyer un message, je vous donnerai votre nature de cheveux avec grand plaisir. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre, je vais vous parler d'abord du lavage. Alors ça, je crois que vous le savez déjà tous, mais on évite les lavages trop fréquents. Tous les deux jours minimum, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà bien. Et sachez qu'un bon lavage, c'est un double lavage. Vous remarquerez quand vous allez chez le coiffeur, on fait toujours deux shampoings. En fait, le premier shampoing, il sert à nettoyer votre cheveu. Et le deuxième, il sert à avoir les effets de votre shampoing. Vous savez, les petits trucs qui sont marqués sur le flacon du shampoing, genre crinière volumineuse, cheveux brillants, trucs hydratés, enfin bref, voilà quoi, vous m'avez comprise. Du coup, voilà, après le shampoing, on rince bien. Il faut faire attention au rinçage, il faut prendre le temps. Et je vais vous donner une petite astuce, on sait que le cheveu est propre et bien rincé quand il crisse un peu sous les doigts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je vais partir du principe que oui. Alors après le lavage, je vais vous parler du démêlage. On évite les démêlages quand les cheveux sont mouillés, parce que le cheveu mouillé est un cheveu qui est plus fragile et qui a tendance à se casser plus rapidement. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous démêler les cheveux avant de prendre la douche. Et si vous avez besoin de les redémêler après la douche, prenez plutôt un peigne dont les branches sont assez écartées et assez épaisses. Et évidemment, lorsqu'on démêle ses cheveux, on commence par le bas et on remonte doucement jusqu'à la racine. Parce que sinon, tous les nœuds que vous avez en haut vont se retrouver tout assez en bas. Et finalement, vous aurez plus de nœuds que ce que vous aviez au départ. Après le démêlage, on va parler du séchage. Alors, il y a un truc qui est à bannir complètement de vos routines. C'est le séchage hyper énergique, là, où on prend la serviette et on s'ébouriffe les cheveux dans tous les sens. Ça sert à rien. Ça abîme le cheveu. Préférez plutôt le turban de serviette qu'on laisse poser pendant 5-10 minutes. En général, ça suffit. Et évidemment, on évite un maximum la chaleur artificielle, les sèche-cheveux, les lisseurs, tout ce qui... Tutti quanti, j'ai envie de dire. Coupez régulièrement vos cheveux, voilà. N'esquivez pas trop le coiffeur. Des pointes sèches et fourchues sont des pointes qui sont mortes, que vous pourrez évidemment camoufler avec des shampoings blindés de silicone, mais ça reste du camouflage. Elle n'est pas réparée en profondeur, votre fourche. Une fourche dans le domaine capillaire, c'est un cheveu qui se sépare en deux, et sachez qu'elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est remonter et grandir. Alors, faut couper avant que ce soit trop tard. Tant qu'on parle de casse et de cheveux abîmés, on évite d'attacher trop ses cheveux. Et surtout, on ne les attache pas toujours de la même façon. Sinon, ils vont avoir tendance à se casser beaucoup plus facilement là où il y a l'élastique. D'ailleurs, en fait, si vous êtes quelqu'un qui s'attache tous les jours les cheveux, il existe des élastiques qui ne sont pas anti-casse, mais qui vont permettre aux cheveux d'être un peu plus protégés. Vous savez, les petits élastiques en espèce de silicone là, chelou, qui ressemblent à des ressorts. Ça, c'est mieux qu'un élastique classique, déjà. Voilà, alors ensuite, je vais vous faire un truc sur bien choisir son shampoing. Alors, comment on choisit bien son shampoing? Déjà, si vous avez des pellicules, il faut savoir que les shampoings antipelliculaires sont des shampoings qui sont très agressifs pour les cheveux. Et il ne faut pas en abuser. En général, il faut alterner avec un autre shampoing qui est un peu plus doux. Sinon, vous allez vous retrouver avec des cheveux ternes et secs. Un petit point sur les shampoings pour les cheveux bouclés ou frisés, qui sont des shampoings qui sont en général beaucoup plus hydratants que la moyenne, puisque le cheveu frisé est par nature plus fragile et plus sec que le cheveu lisse. Alors, si vous avez le cheveu fin mais bouclé, il ne faut pas en abuser, parce qu'il faut alterner avec un shampoing pour cheveux fins, par exemple. Ça évitera qu'ils s'alourdissent et du coup qu'ils finissent par moins boucler, ce qui serait quand même très dommage. Ensuite, il y a les shampoings pour les cheveux gras qui sont souvent très agressifs pour les longueurs et même pour le cuir chevelu. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des racines grasses et des pointes sèches. Et puis de toute façon, de manière générale, les shampoings pour lutter contre les cheveux gras sont peu efficaces sur la durée. Voilà. Après shampoing, il y a l'après-shampoing et c'est une étape qu'il ne faut pas tout le temps sauter. C'est assez important. En fait, l'après-shampoing, il vient refermer toutes les écailles de notre fibre capillaire. Et quand un cheveu est bien refermé, bien lisse, c'est un cheveu qui est protégé, en fait. Alors attention, avec l'après-shampoing, pas sur les racines. On dit que l'après-shampoing, on peut l'appliquer à partir du dessous des oreilles. Voilà. Évidemment, il n'y a pas que l'après-shampoing, il y a les masques. Et là, je vais vous donner un petit secret. Sachez que les masques sont plus efficaces sur les cheveux secs. Alors, de temps en temps, quand vous savez que vous allez vous laver les cheveux, le lendemain, la veille, au soir, laissez poser un masque sur vos longueurs, vous faites une tresse, un petit chignon, et puis le lendemain, vous lavez bien, vous rincez, et puis ce sera parfait. Vous pouvez aussi faire ça avec de l'huile de coco ou de l'huile d'argan, peu importe, en fait, il suffit d'adapter le type d'huile avec les besoins de vos cheveux, et de surtout pas en abuser, car un cheveu qui est trop nourri, c'est un cheveu qui va dégorger après, il va dégueuler même, j'ai envie de dire. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. Je ferai peut-être un autre point cheveux, parce que personnellement, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, c'est fascinant. Je vous dis à bientôt. Allez, salut. C'était Le Beau Con, pour la radio des bons cons, la chronique beauté avec Louison. Ça fait beaucoup de honte, ça, quand même. Votre grâce matinale touche maintenant à sa fin. Avant de se quitter, j'avais envie de faire un petit jeu, donc je vous invite à aller sur le Discord de la Radio des Bons Cons. Alors, en fait, vous allez entendre tous les Sam et Frodon du Seigneur des Anneaux, et j'y ai caché trois intrus. Alors, il y en a un qui est extrêmement facile, un qui est un peu moins facile, et un qui est, selon moi, hyper dur à trouver, mais je pense que vous êtes capable de le trouver. Donc, comme la dernière fois, il faut me donner l'œuvre dont est issu cet extrait. Et pour terminer cette émission, eh bien, moi, je vous dis à très vite hein, sur les ondes de la Radio des Bons Cons, et je laisse le mot de la fin à Léo Boiteau. Gros bisous à tous. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'oubliez pas, demain, on change d'heure. D'été, d'hiver, je ne sais pas. Ok, on dort plus. Au revoir. Ah! Frodo! Frodo! Frodo, Sam. Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Sam. Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Samwise Gamgee. Samwise. Frodo, Sam. Frodo, Sam. Frodo, Sam. Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Samwise Gamgee. Frodo, Frodo Baggins. Hello, Frodo, Frodo, Frodo, Frodo, Sam. Frodo Baggins. Frodo. Frodo. Frodo. Sam. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Sam. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Sam. Sam. Frodo Baggins. Frodo. Sam. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Harry Potter! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Samwise Gamgee! Frodo Baggins! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Sam! Sam! Frodo! Samwise Gamgee! Sam! Sam! Frodo and Sam! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Frodo Baggins! Samwise Gamgee! Frodo! Sam! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo Baggins! Master Gamgee! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Samwise! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Samwise! Frodo! Frodo! Sam! Hobbits! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo and Sam! Frodo! Frodo! Frodo and Sam! Frodo! Sam! Sam! Pet Belly! Sam! Sam! Sam! Frodo Baggins! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Sam! Sam! Sam! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Frodo! Frodo! Sam! Frodo! Frodo! Samwise Gamgee! Frodo! Sam! Frodo Baggins! Frodo! Frodo! Sam! Sam! Sam! C'est la grâce matinale de Radio Boncon avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline.